Fred, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Alors les loulous, comment ça va aujourd'hui? Bien. Eh ben, ça va très bien. Aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Est-ce que c'est une journée spéciale aujourd'hui? Oui. Oui. Le maître, il a eu le temps de préparer les lilos et après, il voulait nous faire lire un texte dans le livre de Taoki. Ouais. Sauf qu'il s'est fait choper par une carpe. Il s'est fait attraper par une carpe? Dis donc, ce serait pas la carpe de Aloïs? La carpe qu'Aloïs a pêchée hier? Ouais. Qui aurait avalé le maître? Ouais. Ah oui? Ouais, c'est possible ça, hein. Et alors, du coup, il n'y a plus de maître? Ouais. Mais il n'y a pas une solution pour... Si. Pour le sauver? En fait, au lieu qu'il le garde toute la vie dans son ventre, ouais. Et bah, on a fait des poissons, et au moins, il va la carpe, elle va manger les poissons, et... La carpe, elle va cracher Renan. Ah bon? Et alors, vous avez fait des poissons ce matin? Ouais. Vous avez fait quoi comme poisson, Lou? Des cachalots. Des cachalots. Famille de cachalots. Toute une famille de cachalots. En fait, comme ils aiment bien l'eau, ils vivent toujours dans l'eau. Et des fois, ils se cachent dans l'eau. Ah bon? Tu crois que ça vient de là, le nom des cachalots? Et c'est des gros ou des petits poissons, les cachalots? Des très très gros. Des très très gros. Vous en avez fait plusieurs? Vous avez fait lesquels? Non. On en a fait un. Un chacun? Deux. Et tu as fait lequel, toi? Moi, j'ai fait le plus gros. Et il était le papa. T'as fait la maman. J'ai fait la maman. J'avais fait le grand-père. Le grand-père? C'est papa qui a fait le petit. Et alors, à part les cachalots, il n'y a rien de spécial aujourd'hui? C'est la journée de quoi, le 1er avril? La journée des blagues. La journée des blagues? Vous avez fait des blagues, vous, ce matin? Hier, j'en ai fait une à papa. T'en as fait une? Je l'ai roulée. En fait, il croyait que je dormais complètement. Mais après, comme je sais que papa, il était là, j'ai fait... Je me suis levée. Ah, mais tu m'as fait peur. Bon, et est-ce qu'on a quelque chose de spécial aujourd'hui dans le podcast? L'interview de Lucas et Lola. Mais Lucas et Lola, c'est des copains de ta classe? Non, de Ellie. Ah, c'est les copains de la classe d'Elie. On et écoute. Puis, aujourd'hui, ce sera pour Oriane. Aujourd'hui, on appelle Oriane. Ouais. On les écoute, Lucas et Lola? Oui. Ouais. C'est parti. Allô? Bonjour, Lucas et Lola. Bonjour, Lucas et Lola. Allô? Allô? Oui, bonjour. Vous allez bien? Oui. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vous avez fait le ménage, vous? Non. Pourquoi vous avez pas fait le ménage? Parce que c'est... Qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous avez fait quoi? On a joué et on a fait les poissons pour les accrocher. Ben, ils sont en bas. En bas? Pour les accrocher pour le 1er avril. Nous, tout à l'heure, on va aller faire du vélo. Dans le jardin. Et dans la terrasse aussi. Qui c'est qui fait les devoirs avec vous? Sors la balançoire. Qu'est-ce que tu as fait comme ménage, Lola? J'ai fait mon lit, rangé la salle de jeu, j'ai passé l'aspirateur, moi j'ai passé le balai sur maman. Il y avait de la poussière sur maman? Oui. Il est où, Lucas? Dans la cuisine. Il est plus timide, Lucas, non? Non. Qu'est-ce qui vous manque le plus? L'école. Ah, vous aimez bien l'école, alors? Le maître! Le maître aussi? Bonjour, maître! Est-ce que tes copains, ils te manquent? Oui! Oui! À qui vous voulez dire bonjour? Bonjour, Romain! Je m'en ai dit. Vous voulez dire quelque chose? Mais ça, c'est choupé choupé! À quelle heure vous vous levez? Et moi, 10h! Lola, 9h30, tous les matins, ouais. Mais Lucas, 8h30, 9h, ouais. Et tu regardes ta montre, alors, Lucas, pour savoir à quelle heure tu t'es levé? Ouais. Après, j'ai joué dehors. Après, on rentre. Après, on va jouer dehors. Après, on rentre. Après, on va jouer dehors. Après, on prend la douche. Et après, on mange. Après, on va au lit. Eh ben, tout ça, ça fait des belles journées. Comment tu vas? Bah, ça va bien. Oui. Tes copains, ils te manquent aussi, toi? Oui. Et alors, vous avez la chance d'être deux, vous? On peut jouer ensemble. Ah, ça, c'est cool. Et un téléphone, Qui a un téléphone? Qui c'est qui a un téléphone? Mais sur leur téléphone, ils ont juste des jeux d'éducation. Ouais. Elle est où ta maman? Elle est en bas, elle fait de la cuisine. Hein? Parce que à la maison, c'est maman qui fait le ménage et qui fait à manger. Ce midi, on a mangé un gratin, nous. Qu'est-ce que vous avez mangé ce midi? À bientôt. À bientôt. À bientôt. Ils ont la peste tous les deux. Ah oui hein, tu trouves Annie? Ouais. C'était sympa ça comme interview. Ouais. Ouais. Alors ils ont commencé à faire des blagues avant le 1er avril. Ouais. Ouais. Pas vous, vous en faites pas vous. Si. En temps normal. Si. Non. C'est vous appelez ça des blagues ou des bêtises? Blagues. Blagues. Les bêtises vous en faites jamais. Non. Non. Bon, c'est tout pour aujourd'hui? Oui. On dit au revoir à tout le monde? Tout le monde. À demain. À demain. À demain. Avec qui demain? Avec Oriane.